polka. On est quatre, quatre gorques, on est quatre, quatre gorques, on veut danser la polka. La poule et le coq brun dansent dans le jardin avec leur poussin. La poule 2 et le coq bleu dansent à qui mieux mieux les jours où il pleut. La poule 3 et le coq en bas dansent sur le toit du palais de roi. La poule 4 et le coq en patte dansent dans la main du plus grand magicien. On est quatre, quatre gorques, on est quatre, quatre gorques, on veut danser la poule 4.